Le journal sud-coréen MinPlus fait savoir que le discours, la direction du mouvement pour un accord de paix constitué des 5 formations, dont le comité de mesures civiles et sociales contre la répression policière, le corps ecclésiastique chrétien pour l'action pacifique et la solidarité pour l'indépendance, la paix et la réunification, a tenu un meeting aux abords de l'ambassade des États-Unis à Séoul pour réclamer l'adoption d'un accord de paix. Elle a souligné que la paix dans la péninsule coréenne présuppose l'adoption d'un accord de paix. À l'issue du rassemblement, les participants ont distribué des publications en matière d'adoption d'un accord de paix et collecté des signatures.